maintenant aurait-elle du mal à trouver des pompes en verre pour se chausser? Comment serait son prince charmant? Businessman black ou rappeur blanc, entendrait-elle lui sonner dans le vacarme des synthés? Mais ce n'est qu'un rêve, quelle est la vérité? Peu de faits sur Music Rock, compte des faits par notre info. Les chevaux sont dans le carrosse, fini les tours de carabosse. Compte de faits divers bidons, compte des faits par ambition. Montez du doigt ce que l'on nomme. Imaginons dans une forêt, yeah, entre les saules et les genêts, yeah, ces petits hommes et une princesse qui n'ont plus d'âge, pas d'adresse. Jugerait ton séjour sans savoir, sans les connaître ou sans les voir. Les accusants provenant fait d'être dealer ou proxénète. Yeah, yeah, yeah. Ouais, la vérité. Deux de fait sur Music Rock, compte des faits par notre info. Les chevaux sont dans le carrosse, fini les tours de carabosse. De faits divers bidons, compte des faits par bon bisou. Montez du doigt ce que l'on nomme. Et les faire banquer dans la peau. Et du babu bi bou bou bou bou. Et du babu bi bou bou bou bou. Et du babu bi bou bou bou bou. Et du babu bi bou bou bou bou. Compte de faits divers bidons, compte des faits par bon bisou. Montez du doigt ce que l'on nomme. Et les faire croquer dans la pomme. On croit tous savoir quelque chose. Quelque chose. Connaître tout à petite dose. Petite dose. Juger sans cesse et condamner. Condamner. Font de nos vies un plaidoyer. Compte de faits sur Music Rock. Compte des faits par notre époque. Les chevaux sont dans le carrosse. Fini les tours de carabosse. Compte de faits divers bidons, compte des faits par ambition. Montez du doigt ce que l'on nomme. Et les faire croquer dans la pomme. Et le soir lorsque la nuit tombe. Et le soir lorsque la nuit tombe. Tous ces gens qui peuplent le monde. Tous ces gens qui peuplent le monde. S'asseyent en face de leur télé. S'asseyent en face de leur télé. Pour y voir un conte de fées. Pour y voir un conte de fées.